Quand remonte l'apparition de la rougeole chez l'être humain, le virus dérivé de celui de la peste bovine pourrait être plus ancien que prévu, selon des travaux d'analyse de l'ARN issus d'un échantillon de 1912. Qu'appelle-t-on exactement berceau de l'humanité? La plupart des théories évolutionnistes pointent sur la carte l'Afrique de l'Est, mais si ce berceau était finalement bien plus grand à l'échelle de tout le continent africain? Et enfin, de la cautérisation à vif aux opioïdes, comment la médecine a-t-elle progressivement pris en charge la douleur depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui? Rougeole, berceau de l'humanité et histoire de la douleur, c'est le programme totalement indolore qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler ce programme, ceux qui sont jour après jour au chevet de l'actualité scientifique, non qu'elle soit moribonde au contraire, mais pour en prendre le plus grand soin, Cécile Lestienne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour. Du magazine La Recherche et bonjour Tania Louis. Bonjour. De la chaîne YouTube Biologie Tout Compris. Mais pour commencer, elle prend la température jour après jour des actualités les plus brûlantes et en le disant, je me rends compte que ça convoque des images un peu perturbantes. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude dans la revue Science, étude qui montre que l'on vient d'identifier la protéine clé du coronavirus. Et les virus exposent à leur surface une ou plusieurs protéines qu'on appelle des protéines de structure qui leur permettent de rentrer dans différents types cellulaires et les infecter. Une équipe américaine a réalisé une carte 3D de cette protéine à l'échelle moléculaire. Il faut se rendre compte, cette étude arrive 2 mois après la découverte du coronavirus. Dans le passé, il aurait fallu 10 ans pour avoir ce type d'information. Ça, c'est possible grâce à la technique de microscopie électronique cryogénique. Des échantillons de virus sont refroidis à moins 150 degrés, puis bombardés avec un flux d'électrons. Les chercheurs ont enregistré comment les électrons rebondissaient pour ensuite pouvoir reconstruire la forme 3D des molécules. Cette découverte ouvre la voie à un nouveau vaccin. Isabelle Haber est enseignante-chercheure à Aix-Marseille Université, au laboratoire Architecture et Fonction des macromolécules biologiques. Ces chercheurs ont fait une avancée très importante en déterminant la structuration, la structure à l'échelle atomique de cette protéine, qui est la spike protéine, la protéine de surface, qui permet au virus de rentrer dans les cellules, en l'occurrence les cellules pulmonaires. Et donc ça va avoir de grandes implications pour la vaccination, pour les approches, on va dire, utilisant des antiviraux, parce que là, on sait exactement comment c'est assemblé. Donc quand on connaît la cible au niveau structural, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on appelle du design rationnel. Les sociétés pharmaceutiques estiment un temps moyen de production autour de 20 mois. La vraie avancée, ce que ça va permettre de débloquer, c'est l'identification d'anticorps qu'on appelle neutralisants. Une des informations très importantes, c'est donc là on connaît la clé, c'est connaître quel type cellulaire il va reconnaître. Ce système clé porte, entre guillemets, ce qui définit les tropismes des virus. Le tropisme, c'est par exemple les virus de l'hépatite C, de l'hépatite B, ne sont capables que d'infecter le foie, parce que leur protéine de surface n'ouvre la porte que des hépatocytes, que des cellules du foie. Donc là, les chercheurs ont pu aller très très vite dans l'identification du récepteur, parce que ce récepteur ACE2, il a été défini comme étant le récepteur qui permet au virus du SARS-CoV-2 d'infecter les cellules. Et donc, étant donné qu'il y a une identité de séquence de 80% entre ce nouveau coronavirus et le SARS-CoV-2, ils se sont dit qu'il y a quand même une forte identité. Donc dans cet article, ils ont amené des éléments qui montrent qu'il semblerait que donc, ce nouveau coronavirus utilise également le récepteur cellulaire ACE2 pour entrer dans les cellules. Voilà, et vous pouvez retrouver, comme tous les jours, l'étude, le lien vers l'étude concernant cette protéine du coronavirus sur le fil Twitter de l'émission. question @laméthodefc. En bref, dans Nature Communications, une première avec la création en laboratoire de morceaux d'ADN artificiel capables de s'auto-répliquer. Et les chercheurs de l'Institut Max Planck en biochimie en Allemagne ont créé, in vitro, un génome de synthèse qui peut régénérer lui-même ses composants moléculaires. De l'ADN polymérase qui réplique ensuite de l'ADN à l'aide de nucléotides. Grâce à la spectrométrie de masse, ils ont pu observer et quantifier le nombre de protéines produites. Selon les auteurs, reproduire en laboratoire ce processus biologique de réplication génomique est une avancée majeure pour les biotechnologies. Une étude publiée dans Science Advances propose une nouvelle date de naissance pour la planète Terre. Oui, la Terre se serait formée beaucoup plus vite que nous ne le pensions. Les scientifiques de l'université de Copenhague au Danemark ont analysé les isotopes du fer du manteau terrestre via diverses météorites. Les chercheurs pensent que le noyau de fer de la Terre s'est formé tôt à travers une pluie de poussière cosmique, un processus plus rapide que l'accumulation de roches plus grosses. Pendant ce temps, le noyau de fer s'est ainsi formé. Donc selon eux, notre planète n'aurait mis que 5 millions d'années à se former. C'est beaucoup plus court que dans les modèles actuels qui prévoient des dizaines de millions d'années. Et on poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Selon une étude parue dans Science, l'antihydrogène ressemble très très fort à l'hydrogène. Et l'étude de l'antimatière est un champ difficile et plutôt récent. Ce n'est que depuis 2010 qu'on arrive à piéger de l'antihydrogène. L'antimatière a cette propriété de se détruire au contact de la matière. Les chercheurs jouent donc là-dessus pour les détecter. Cette étude, il s'agit de l'expérience Alpha au CERN de Genève. Cette équipe a piégé des antiatomes d'hydrogène dans une bouteille magnétique pendant des heures. Pour étudier leur transition, ils envoient un laser et attendent qu'un antihydrogène croise le faisceau laser pour faire une transition. Les propriétés d'un antiproton et d'un positron, l'antiparticule de l'électron, ont donc été mesurées pour la première fois. Les observations correspondent à celles d'un atome d'hydrogène très ordinaire. C'était un résultat attendu, mais cela ne résout pas l'un des plus grands problèmes de la physique. Où est passée l'antimatière de l'univers? Pauline Comini est physicienne au CEA Saclay et à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Alors, donc, l'expérience Alpha se consacre à la spectroscopie de l'antihydrogène. Donc, c'est d'observer les transitions optiques dans l'atome d'antihydrogène. On a toute une série de sous-niveaux dans l'antihydrogène. Ces deux niveaux, 2F1mi et 2P1mi, qui, dans le cadre de l'équation de Dirac, sont à la même énergie. Sauf que en 47, quand Lamb va étudier l'hydrogène, il va trouver un petit écart entre ces deux niveaux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le décalage de Lamb, cet écart d'énergie entre ces deux niveaux. Là, le nouvel article qu'il publie, c'est de regarder les écarts, cette fois entre ces sous-niveaux, donc ce qu'on appelle la structure fine de l'antihydrogène. Et donc notamment, ils vont regarder les écarts entre les différents états de 2P et le fameux décalage de Lamb entre le 2S1/2. Pour l'instant, les mesures faites sur l'antimatière sont en accord avec les mêmes mesures faites sur la matière, donc en l'occurrence sur l'antihydrogène et l'hydrogène. Ce n'est pas un résultat révolutionnaire, effectivement, c'est un très très joli résultat, mais on est toujours à la recherche du moindre écart entre les deux. Et donc pour l'instant, on n'a pas une explication suffisante pour dire qu'il y a effectivement bien une asymétrie entre la matière et l'antimatière. L'asymétrie CBT nous dit que justement la matière et l'antimatière sont différentes. À un niveau moindre, on a, si on prend juste deux symétries, si on dit C et P, donc la charge et la parité, eh bien là on trouve cette fois des écarts, des différences entre la matière et l'antimatière. Mais pour l'instant, ce qu'on a trouvé, ce qu'ils observent n'est toujours pas suffisant pour expliquer pourquoi l'antimatière a quasiment disparu de l'univers. En bref, selon une étude parue dans Science Advances, ouvrir vos fenêtres n'aide pas du tout à réduire la pollution de l'air intérieur. Et les chercheurs de l'Université de Toronto au Canada ont étudié la persistance de 19 produits chimiques que l'on trouve le plus souvent dans nos foyers. Dans une maison test, après avoir fait la cuisine et le ménage, ils ont mesuré les niveaux de ces produits chimiques dans l'air. Ils ont ensuite aéré la maison pendant 15 à 30 minutes et ont refait des mesures avec des méthodes de spectrométrie de masse. Résultat, les niveaux des produits chimiques dans l'air sont exactement les mêmes. Selon eux, les produits chimiques libérés pendant nos activités ne s'évaporent pas lorsque nous ouvrons les fenêtres, mais au contraire, ils peuvent rester collés au mur et au mobilier. Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une nouvelle méthode de fécondation in vitro, du rôle des microbiotes dans la lutte contre le diabète. Nous avons vu qu'il y avait des différences cérébrales chez les personnes au comportement antisocial. Et il a été question également de la preuve que les dinosaures avaient le sang chaud. Mais dans l'actualité des sciences cette semaine, également Natacha et en ultra bref. Et selon de nouvelles recherches, il suffirait de changer l'altitude des avions pour réduire de plus la moitié l'impact climatique de leurs traînées. Ces traînées de condensation qui se produisent à cause des gaz d'échappement polluent l'atmosphère pendant des heures. Cette nouvelle méthode pourrait très rapidement réduire l'impact climatique global de l'industrie aéronautique. Cette semaine, nous avons fait la découverte de nouveaux fossiles de Stupendamis geographicus, l'une des plus grandes tortues au monde, qui a vécu en Amérique du Sud durant le Miocène il y a plus de 8 millions d'années. Avec sa carapace de 3 mètres de long, on sait que ces tortues étaient aussi grosses que des hippopotames et qu'elles pesaient plus d'une tonne. Et enfin, dans la revue Science, on trouve de nouvelles preuves sur l'influence des stéréotypes de genre dès l'enfance. Selon cette étude, les enfants ont tendance à considérer les personnages masculins comme plus intelligents que les personnages féminins. Les petites filles, quant à elles, s'estiment moins intelligentes que les petits garçons, et ce, dès l'âge de 6 ans. Et comme tous les vendredis, on termine par la rubrique des sciences improbables. Et Natacha, je suis ravi d'apprendre qu'il est désormais possible d'offrir un morceau de mon cerveau à la science de mon vivant. Oui, un cerveau bien vivant quand vous êtes en vie. L'Institut Allen pour la science du cerveau à Seattle a mis en place un nouveau programme de dons pour la recherche. On peut se douter, ces échantillons sont précieux. Les échantillons de cerveau vivant sont très rares, même les dons post-mortem sont très difficiles. Et dans le cas de certaines opérations pour traiter l'épilepsie ou pour éliminer des tumeurs, des parties de cerveau, grosses comme des morceaux de sucre, sont jetées. Grâce à ce programme de dons, plutôt que de les jeter à la poubelle, vous pouvez à présent les offrir à la science. Il en reste plus assez. Il a été trop abîmé déjà. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Je me retourne vers mes vulgarisateurs de choc du vendredi. Peut-être des réactions à tout ce qu'on vient d'entendre ou à l'actualité scientifique de la semaine. Britannia, pour commencer, effectivement, le coronavirus, on en parle souvent dans des termes très inquiétants. On a fait des bons de géants en termes de virologie, d'études, de rapidité de réaction en recherche fondamentale. Oui, effectivement, pour le côté recherche fondamentale, la vitesse de progression des découvertes est hallucinante. Donc c'est dû notamment au fait que la séquence du génome est sortie très tôt. Donc on peut critiquer la façon dont la Chine gère les choses là-dessus. Les virologues chinois ont été vraiment d'une efficacité impressionnante. Et il y a aussi quelque chose qui s'est mis en place et qui était assez peu courant dans le domaine de la biologie, c'est tout un système de prépublication qui se fait beaucoup dans certaines disciplines, mais qui n'était pas quelque chose de très répandu dans ce domaine-là. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que du coup les articles ne sont pas revus par les pairs. Mais en l'occurrence, sur les deux grosses publications qui ont fait polémique par rapport à ce coronavirus, celle qui parlait d'une chimère avec le VIH et qui a été rétractée avant même d'être soumise à un comité de lecture, était un préprint, donc une prépublication, mais celle sur les serpents comme hôte intermédiaire, qui a été très critiquée aussi, avait, elle, pour le coup, été évaluée par les pairs. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une accélération de la recherche globalement, il y a des choses qui ne devraient pas passer et qui passent, mais la communauté est hyper vigilante, donc les publications problématiques sont quand même repérées rapidement, même s'il y a une grosse sortie de papier avant revue par les pairs. On peut préciser, effectivement, on en parle souvent et d'ailleurs on vous le précise systématiquement dans le Journal des Sciences, les prépublications, ce sont ces sites comme Archive ou BioArchive sur lesquels les scientifiques dans des cas d'urgence comme pour le coronavirus ou juste déposent leur papier avant de le soumettre à des revues à comité de lecture, et c'est le début finalement de l'échange avec la communauté scientifique, parce que si ça ne passe pas directement par des comités de lecture, en revanche d'autres spécialistes ou d'autres chercheurs du même domaine peuvent revoir le papier et suggérer des corrections. C'est ça, ça donne à minima des pistes de recherche pour les autres virologues en l'occurrence. Cécile, sur le coronavirus ou sur l'actualité scientifique en règle générale? Pas grand chose à ajouter. C'est vrai que c'est assez époustouflant la vitesse à laquelle va la recherche sur ce nouveau virus. Et voilà, pour une fois qu'on a, je trouve, des nouvelles. Alors c'est. Non, je ne vais pas dire que c'est formidable, parce que c'est l'histoire de cette épidémie est évidemment très malheureuse, et évidemment c'est malheureux pour les gens qui en sont morts ou affectés, mais quand même la collaboration internationale autour de ce sujet, de ce côté-là, a très très bien fonctionné, et voilà, et donc faut espérer que la recherche puisse aller vite, pas uniquement en temps de crise, mais quand même cette fois-ci, on sait réagir, et c'est Pourquoi ne pas le souligner ? Peut-être un mot, Cécile, sur plusieurs choses. On en parlait hier, Natacha, c'est ça, sur la maturation in vitro, cette nouvelle technique qui a permis à une femme qui avait un cancer d'obtenir, justement, grâce à une nouvelle technique de maturation des ovocytes non matures, donc avec des traitements hormonaux beaucoup moins lourds, et bien d'avoir une grossesse à terme avec un bébé qui a 6 mois et vraisemblablement deux autres grossesses en cours. En cours, oui. Ouais. C'est forcément très intéressant, notamment parce que la façon effectivement de récupérer les ovocytes matures est très très lourde. Alors je crois qu'effectivement elle était contre-indiquée dans le cas de cette jeune mère là, parce qu'elle avait un cancer et donc du sein, donc on va pas jouer avec les hormones dans ce cas de figure. Mais c'est vrai aussi dans d'autres cas, c'est-à-dire que les gens qui veulent donner leurs ovocytes par exemple à d'autres, déjà c'est très très très lourd comme traitement, donc il faut être très motivé, ou qui ont besoin pour des FIV de récupérer leurs ovocytes, c'est très lourd. Et si cette méthode se révélait finalement aussi efficace que la méthode habituelle, on gagnerait beaucoup de temps et beaucoup de... Enfin, c'est forcément mieux. Mmh. Tania, sur ce sujet ? Non, moi j'ai découvert l'information et effectivement, c'est sûr que si ça permet d'avoir un traitement, enfin un traitement, c'est pas vraiment un traitement, mais une prise en charge moins pénible, plus rapide et vraisemblablement moins chère, c'est gagnant pour tout le monde. Mmh. Et c'est assez impressionnant de voir là aussi, finalement, le délai assez court. Sylvain, peut-être un mot sur l'actualité que vous souhaitez, ou j'avais envie de vous entendre sur cette extrême similitude entre la matière et l'antimatière qui ne fait que complexifier encore cette énigme de la disparition de l'antimatière. Oui, finalement, l'antimatière, malgré son nom de science-fiction, n'est en fait que la jumelle de la matière. Quand on parle d'un antiproton, finalement c'est un proton, la seule différence c'est que sa charge électrique est opposée. Et quand on parle d'antihydrogène, en fait, on a donc un antiproton autour duquel tourne un antiélectron, qu'on appelle aussi positon ou positron, qui est donc en fait une sorte d'électron mais avec une charge positive. Et finalement, les particules d'antimatière sont des particules de matière presque comme les autres. Et d'ailleurs, quand dans des accélérateurs de particules, comme au CERN, là, qu'on mentionnait dans le journal, finalement, lorsqu'on fait se collisionner des particules à très haute énergie, celles-ci créent d'autres particules. Hein, c'est l'équation E égale mc2 de l'énergie. C'est la même chose que de la matière, et donc donne naissance à de nouvelles particules. Et on constate dans les expériences que ça donne autant de particules de matière que d'antimatière. Il y a vraiment une symétrie profonde, la chercheuse Pauline Comini l'expliquait dans le journal, une symétrie profonde entre matière et antimatière dans les équations même de la physique. Le problème, et les deux tailles effectivement, c'est que le monde qui nous entoure, même le système solaire, la galaxie, les autres galaxies, aussi loin qu'on arrive à regarder avec les télescopes, on n'observe que de la matière. Or, s'il y a une symétrie avec l'antimatière, on peut imaginer qu'au moment du Big Bang, si nos équations sont telles qu'on les connaît, sont valides, il y aurait dû y avoir autant de matière que d'antimatière. Et dans ce cas-là, où est passée l'antimatière originelle ? Ça, c'est un des gros problèmes de la physique aujourd'hui. C'est un des gros problèmes qui nous fait dire que ce qu'on appelle le modèle standard, c'est-à-dire la théorie qui explique justement les particules de matière, d'antimatière, qui marche vraiment très très bien pour prédire un tas de caractéristiques, mais sur ça, effectivement, ça ne marche pas. On n'a pas de mécanisme qui explique une asymétrie aussi grande telle que l'on observe. Et donc... Et voilà, si vous voulez, ça avait donné lieu à une émission entière qui s'appelait « Où est donc passée l'antimatière ?» On vous a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission. On aurait pu l'appeler l'antimatière de la matière comme les autres. Enfin, bref, d'autres. Et peut-être un tout dernier mot, et parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur dans l'émission. Et je dois dire que les études sont effectivement assez navrantes. Ces études dans Science qui montrent que les stéréotypes de genre apparaissent chez les jeunes filles, chez les petites filles dès l'âge de 6 ans, Cécile. Cette étude-là montre que ça apparaissait dès l'âge de 6 ans sur la question qui leur était posée, mais j'ai peur que ça commence avant dans la cour de maternelle déjà. Et donc il y a du boulot, mais ce n'est pas perdu. Effectivement, on ratiocine pas mal. Je ratiocine pas mal dans cette émission à ce sujet. et je pense qu'il faut pas perdre. Les choses changent et notamment le fait de mettre en lumière même ce fait-là qui est peut-être pas clair pour tout le monde va permettre aussi de le corriger, j'espère. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, le premier dossier que nous ouvrons de cette table ronde de l'actualité scientifique et de la recherche du vendredi, c'est un dossier rougeole, puisque la toute première description de la rougeole remonte aujourd'hui encore au Xe siècle de notre ère. On la doit au médecin persan Rhazès, qui la distingue de la variole. Très longtemps, l'histoire de la médecine a considéré que la rougeole était totalement absente du bassin méditerranéen pendant l'Antiquité. Mais voilà qu'une nouvelle étude, en prépublication, justement, Tania Louis, vient contredire cette datation et fait remonter l'apparition de la rougeole à de près de 1500 ans. Oui, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est considérable. Donc, en fait, c'est une étude qui est issue de la collaboration entre deux équipes qui ont chacune mis à contribution leur spécialité. Donc, il y a une équipe qui est très très forte pour récupérer des échantillons d'ADN et d'ARN anciens. Donc, pour replacer dans son contexte, le virus de la rougeole, c'est un virus qui a un génome à ARN, c'est-à-dire un génome plus fragile que les génomes à ADN, ce qui explique qu'il soit difficile d'en trouver des échantillons qui soient plus anciens que celui qu'on avait, qui date de 1954, qui était la souche qui a été utilisée pour la mise au point du vaccin, en fait. Et c'était l'échantillon le plus ancien qu'on avait, parce que simplement les échantillons plus âgés que ça n'avaient pas été conservés dans des conditions qui permettaient de récupérer des génomes ARN. Donc une de ces équipes, celle dirigée par Sébastien Calvignac-Spencer, a réussi à récupérer et à séquencer le génome de virus de rougeole présent dans les poumons d'une petite fille de 2 ans qui est décédée en 1912 grâce à un échantillon qui était dans une collection de musées conservée dans du formol. Donc ça, c'est la première prouesse. À Berlin, c'est ça ? Oui, à Berlin. Donc c'est une prouesse vraiment technique déjà d'être allé chercher cet échantillon à cet endroit-là, hein, parce qu'il faut... il y a énormément de choses dans les collections de musées de médecine notamment, et d'avoir réussi à récupérer de l'ARN séquençable. On sait bien, hein, vous aviez fait une émission sur les espèces humaines anciennes et les ADN anciens, c'est très difficile de les récupérer dans un suffisamment bon état pour pouvoir reconstituer la séquence. Donc ça, c'est la spécialité de la première équipe. Et la deuxième équipe, celle qui est dirigée par Philippe Lemay, est une équipe qui est spécialisée dans l'épidémiologie moléculaire, c'est-à-dire, en gros... retracer les scénarios d'évolution des virus en comparant des séquences génétiques. Voilà, c'est deux contributions qui ont été associées pour retracer un nouveau scénario de l'apparition de la rougeole. Donc, comme vous le disiez, la rougeole, c'est difficile de dire à quand elle remonte en se basant juste sur des traces archéologiques, simplement parce que les symptômes sont finalement très peu spécifiques. Donc, effectivement, c'est les symptômes de la rougeole, parce que c'est vrai qu'on la voit... heureusement, moins souvent, même si on la voit malheureusement plus France, aujourd'hui, oui. Voilà, à cause des problèmes de vaccination. Mais c'est quoi les symptômes de la rougeole ? En gros, le symptôme le plus spécifique auquel les gens pensent en général, ce sont les éruptions cutanées, donc des boutons rouges qui grattent, et une fièvre, une gêne respiratoire. Voilà, donc quelque chose en dehors de l'éruption cutanée assez peu spécifique, mais il y a d'autres maladies qui provoquent aussi des éruptions cutanées. Donc il y a vraisemblablement des traces de description de la rougeole qui sont anciennes, mais qu'on ne peut pas attribuer de façon certaine à cette maladie-là. Mais on sait par contre qu'il y a un virus très très proche de celui de la rougeole, le virus de la peste bovine, et que l'un de ces virus a émergé à partir de l'autre. Donc le scénario privilégié à l'heure actuelle, c'est que la rougeole humaine ait émergé à partir d'un virus bovin. On ne peut pas en être formellement sûr, mais il y a un certain nombre d'indices qui pointent dans cette direction-là. Puis c'est la direction assez naturelle, et on en avait parlé d'ailleurs, de l'émergence des maladies contemporaines qui sont liées à la sédentarisation, à l'apparition de l'agriculture, et donc à la mise en contact et à l'évolution d'un certain nombre de pathogènes animaux qui sont passés à l'homme. Et effectivement, ça, on va vous mettre là aussi le lien vers l'émission que nous y avions consacrée. Voilà, donc on ne peut pas dater exactement l'apparition de la rougeole, mais on peut fixer une borne minimale qui serait le moment où la rougeole et ce virus de bétail ont divergé. Et c'est là-dessus qu'ont travaillé les chercheurs. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a eu plusieurs événements de passage du virus animal à un hôte humain, mais que ceux qu'on observe aujourd'hui sont ceux qui ont eu du succès et qui se sont maintenus jusqu'à nous. Toutes les traces intermédiaires ont nécessairement disparu, à moins qu'un jour on tombe sur un fossile ou des tissus conservés dans d'assez bonnes conditions, mais pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. Donc le travail de ces chercheurs a été, à partir de la séquence du génome de 1912 et de deux autres séquences un peu moins anciennes mais qui dataient quand même des années 60 qu'ils ont réussi à récupérer et qui étaient inconnues jusqu'alors, de reconstruire un scénario d'évolution de toutes ces séquences virales. Donc pour ça, ils ont utilisé la rougeole, le virus de la peste bovine et un troisième virus qui est un virus qui touche plutôt les moutons pour comparer, avoir un troisième virus différent, ce qui est toujours important pour avoir un ancrage temporel un peu plus précis. Et on ne va pas rentrer dans les détails des modèles mathématiques parce que les modèles de phylogénie moléculaire sont extrêmement compliqué. D'accord. Mais en gros, concrètement, un des outils clés, c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Voilà, mais c'est ça qu'il faut expliquer. Voilà. Mais comment est-ce que, en comparant finalement les différences entre les nucléotides de ces différentes espèces virales, comment est-ce qu'on arrive d'un seul coup à avoir une considération temporelle, en fait? Oui, comment est-ce qu'on arrive à mettre des dates à partir de différences de séquences? Voilà. C'est quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux, a priori. c'est simplement lié au fait qu'on connaît les dates d'échantillonnage des séquences. Les séquences qu'on récupère ne sont pas juste des séquences aléatoires. On sait à quel moment elles ont été prélevées et donc de quand date le virus en question. Et quand on trace un scénario d'évolution, on suppose l'existence d'ancêtres communs. Et on peut donc, connaissant les dates des échantillons qu'on a récupérés, estimer le temps passé depuis la divergence à partir de cet ancêtre commun, ce qui permet d'estimer une vitesse d'évolution du virus. Donc c'est à partir de ça qu'on place des dates en se basant sur les dates des échantillons qu'on connaît. Et ce qui se fait en général dans les modèles de phylogénie, et qui est le plus simple mais qui rend les choses quand même assez difficiles à gérer, c'est de supposer que cette vitesse d'évolution est constante. Or, on sait que c'est faux. Et en particulier pour les virus, qui évoluent particulièrement rapidement, et d'autant plus rapidement qu'ils ont beaucoup d'hôtes potentiels à infecter. Donc la spécificité du travail qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont complexifié progressivement leur modèle d'évolution, pour envisager des scénarios de plus en plus compliqués et des variations de la vitesse d'évolution des différents virus à différentes périodes temporelles. Et parce que ce qui est important aussi dans ces travaux-là, c'est que pour que le virus s'implante durablement et qu'il puisse finalement vivre sa vie et se développer en tant que maladie commune, il faut qu'il ait des hôtes, et il faut qu'il ait des hôtes en nombre suffisant pour pouvoir se répandre à une population, parce que sinon, c'est un virus qui naît dans un petit groupe et qui disparaît avec ce petit groupe. C'est ça. Une des particularités de la rougeole, c'est que c'est un virus qui est très immunisant. C'est-à-dire que si vous avez eu la rougeole une fois, vous ne l'aurez plus. Donc pour que le virus puisse se répandre dans une population, il faut qu'il y ait un minimum de personnes, parce que sinon, tout le monde a eu le virus, certaines personnes survivent, mais elles sont toutes immunisées et la maladie disparaît. Donc la taille critique de population pour la rougeole, elle est estimée à 250 000, 500 000 humains. Donc il faut déjà il faut un peu de monde et il faut des villes qui communiquent suffisamment entre elles pour que le virus puisse se répandre avant sa disparition aussi. Donc là, les scénarios jusqu'à maintenant plaçaient l'apparition de ce virus à la fin du 8e siècle, donc 899, avec toujours une marge d'incertitude. Hein. Je le précise pas parce que sinon ce serait très très lourd de vous donner la borne minimum, la borne maximum et la date du milieu, mais il y a toujours une marge d'incertitude évidemment, qui est évidemment au 9e siècle, donc 8-9e siècle, un moment où il y avait des installations humaines largement suffisantes. Mais les chercheurs arrivent avec leur modèle beaucoup plus précis et prenant en compte des variations de vitesse d'évolution à une date qui est plutôt au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce qu'ils font justement le parallèle avec les données archéologiques et autres de l'époque qui montrent que ça coïncide avec à peu près l'établissement de populations humaines dans des effectifs suffisants pour permettre l'établissement du virus de la rougeole. Ce qui voudrait dire, s'il est vraiment passé à l'homme à ce moment-là, que ça a été fait de façon très efficace, ce qui est assez cohérent avec le fait qu'il y avait sans doute déjà des événements de transmission et que potentiellement ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le résultat du premier événement de transmission qui a eu lieu dans des populations assez grandes. Et il faut préciser que si effectivement il y a besoin, on se vaccine facilement, ou en tout cas on s'immunise facilement à la rougeole une fois qu'on l'a attrapé et qu'on en a guéri, en revanche, le propre de ce virus, c'est qu'il est extrêmement contagieux. Oui, c'est un des pathogènes les plus contagieux qu'on connaisse. En gros, en moyenne, on entend beaucoup parler de R0 en ce moment avec le coronavirus. Donc le coronavirus, il y a un R0 entre 2 et 3, ça dépend des estimations. Et en gros, à partir du moment où un R0 est supérieur à 1, l'épidémie se propage parce que ça veut dire que chaque personne va contaminer plus d'une autre personne. Pour la rougeole, ce R0 est autour de 15. Donc effectivement, c'est extrêmement contagieux. Une personne contamine potentiellement en moyenne 15 personnes. Donc c'est vraiment pas anodin, d'autant que la rougeole reste quand même une maladie mortelle, qu'il a récemment été montré qu'en attrapant la rougeole, on détruisait une partie de notre mémoire immunitaire, donc ça peut nous resensibiliser à d'autres infections. Et le fait que cette rougeole soit contagieuse implique que pour qu'une population en soit efficacement protégée, il faut que 95% des personnes qui la composent soient immunisées. Et c'est énorme, 95%. Faut préciser par exemple qu'en France, le taux de couverture vaccinale est aux alentours de 80%. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a... En baisse, oui. Ben, l'élimination de la rougeole était un des objectifs de l'OMS pour 2020, si je ne me trompe pas. Donc on est très très loin. On est plutôt sur un schéma inverse où justement la vaccination recule et la rougeole revient. Parce que comme c'est un virus qui se propage très très bien, si on lui laisse un espace, il rentre dedans. Et notamment aux États-Unis avec une épidémie que le pays n'avait pas connue, et surtout des morts et des enfants qui décèdent, qui ont un terrain immunitaire un peu fragile. Donc voilà, on ne rappellera pas jamais suffisamment l'importance et la nécessité de la vaccination. Peut-être aussi pour donner un élément de comparaison, effectivement, vous l'avez fait, Tania, mais voilà, le R0 de la rougeole, c'est donc entre 12 et 18. Le coronavirus, ça permet aussi de peut-être calmer un peu les inquiétudes, c'est 1,4 et 2,5. Le VIH, c'est entre 2 et 5. La variole, qui est déjà très contagieuse, c'est entre 5 et 7, donc ça donne la mesure du fait que la rougeole est extrêmement contagieuse. Cécile, vous vouliez réagir, notamment sur l'effacement de la mémoire immunitaire. Non, effectivement, c'est parce que j'ai vu cette étude qui est vraiment très très intéressante et qui semble montrer que effectivement, le virus de la rougeole détruit une partie de notre mémoire immunitaire, ce qui donc veut dire que si vous ne mourrez pas de la rougeole, vous avez beaucoup plus de chances d'attraper d'autres maladies dans les mois, les années qui suivent, parce que c'est sur plusieurs années que ça perdure l'effet. Donc voilà, d'où l'intérêt effectivement de se faire vacciner contre la rougeole. Mais c'est toujours étrange, en ce moment on parle beaucoup de vaccins contre le coronavirus et personne ne s'élève contre, et ça c'est une bonne nouvelle. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que justement l'Institut Pasteur travaille sur un vaccin pour le nouveau coronavirus qui est basé sur un virus modifié de rougeole. Parce que, comme on disait, la rougeole est très immunogène, donc elle entraîne une bonne protection immunitaire. Et la recherche s'en a emparé comme outil pour faire des vaccins efficaces contre d'autres agents infectieux. Et pour conclure sur donc cette prépublication, elle a été soumise sur le site BioArchive, je crois, au mois de fin décembre. Donc, quelle est la suite de l'aventure de ce papier qui est effectivement assez passionnant? Il a été soumis à une revue et il est en cours de relecture par les pairs. Donc, affaire à suivre dans quelques semaines, peut-être quelques mois, s'il y a des corrections à faire. Mais c'est en cours. Tired, living in a memory gone by. I'm so tired, so tired, so tired, living in a memory gone by. I ain't gonna suffer no more, no more. I ain't gonna suffer no more, no more, no more. Live in a memory gone by. Well, well, trying to find a woman wanna be mine alone. Trying to find a woman, trying to find a woman. Wanna be mine alone, no, no. Not the kind of woman wanna jive me and carry on night and day. Well, well, well, well. Trying to find a woman that wanna grow old with me. I'm trying to find a woman, woman, woman that wanna grow old with me, old with me. Well, well, well, well. Deacon. wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. I ain't gonna suffer no more, je ne vais pas souffrir plus. C'est John Lee Hooker qui le chante à 16h35 sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque, eh bien, c'est le sujet et le deuxième dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. La douleur, une bouteille d'alcool et un morceau de cuir à mordre. Dans l'imaginaire collectif, hein, c'est peu ou prou les premiers remèdes contre la douleur dans le cas d'une opération, même type de type amputation, hein, hop, là, voilà, un petit coup de whisky, une ceinture et ça va passer. Et pourtant, la douleur, eh bien, la douleur, c'est un élément important du trajet de soins. À quel moment la douleur s'est-elle invitée dans le parcours médical? Comment la médecine ancienne a-t-elle progressivement considéré la douleur comme quelque chose qu'il fallait atténuer, Cécile Lestienne? C'est la question à laquelle vous allez nous donner des éléments de réponse aujourd'hui. Oui, parce que dans ce dernier numéro de Pour la Science, nous avons deux jeunes chercheuses, Raphaël Andrew et Ariane Bell, qui ont écrit un article sur ce sujet à l'occasion d'une exposition qui se tient à la bibliothèque de la faculté de médecine de Lyon-Est. Je le dis parce qu'elle dure jusqu'à dimanche, mais à Millionnet, voilà, ou si vous êtes de passage dans le coin, vous pouvez aller encore la voir, qui effectivement s'est attachée à regarder quelle était la réaction du corps médical par rapport à la douleur, étant donné que l'idée, qu'il y a une idée assez largement répandue, qu'avant le 19e siècle à peu près, avant le développement de l'anesthésie et des antalgiques, le corps médical proférerait une certaine indifférence par rapport à la douleur. Alors, ça n'était pas effectivement, ça ne repose pas sur le présupposé que autrefois les médecins étaient d'horribles psychopathes sadiques qui voulaient torturer leurs malades, mais plutôt que cette indifférence, elle venait d'abord de leur impuissance, parce qu'effectivement c'était très difficile de combattre la douleur. Aussi que le seuil de tolérance de la douleur de la société, des sociétés entières était plus élevé, ce qui n'est pas forcément faux, puisque dans le monde de douleur dans lequel on vivait à ce moment-là, il fallait bien survivre. Et aussi peut-être que la vision rédemptrice de la douleur par l'Église poussait le corps médical finalement à effectivement accepter, mais même ne pas lutter contre la douleur. Et ce que montrent ces chercheuses, c'est que effectivement c'est plus complexe que ça, que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Elles se sont attachées à lire beaucoup de textes médicaux entre 1500 et 1750, voilà, et pour voir qu'est-ce que les médecins disaient de la douleur. Et non, ils n'étaient pas indifférents. Ils n'étaient pas indifférents. Alors, ils avaient un certain nombre de remèdes et on en trouve même dans des textes assez anciens. Et on se rend compte aussi surtout que c'est finalement toujours une conception un peu européo-centrée de la médecine qui laisse entendre que finalement la douleur n'était pas traitée, etc. En revanche, on trouve des traces, au contraire, dans des médecines arabes de... Oui, absolument. Enfin, entre la médecine arabe et la médecine européenne, il y avait des ponts quand même à cette époque-là. Oui, bien sûr. Même depuis l'Antiquité, en fait, on trouve des choses pour combattre la douleur. La question, c'est qu'effectivement, pour soulager la douleur, c'est vrai qu'il n'était pas très bien outillé, mais il y avait quand même des choses. Il y avait des choses un peu comme le froid qui atténue la douleur, ce qu'on sait encore aujourd'hui. Il y avait aussi ce qu'on appelait des anodins. J'aime beaucoup ce terme, j'avoue, qui vient du grec, qui supprime la douleur. Et donc, les anodins... Littéralement, étymologiquement, c'est anodounet, ça veut dire qui supprime la douleur. La douleur, voilà. Et donc, c'est un ensemble de médicaments, enfin de remèdes qu'on pouvait faire à l'époque, qui étaient soit destinés à s'attaquer à la cause de la douleur. Par exemple, si vous avez mal au ventre, des purgatifs, en espérant que ça va supprimer la cause de vos maux de ventre. Aussi, des mélanges qui étaient réputés pour être adoucissantes, un petit peu atténuer la douleur. Et dedans, on trouvait de la mauve, de l'aneth, de l'orge, de l'huile d'olive avec des jaunes d'œufs. Voilà, des jaunes d'œufs avec un peu de rose. On mettait souvent un peu de vin et d'eau de vie, voire un peu d'opium, voilà, parce que c'était pas cher l'opium et que on savait que c'était efficace. Et notamment, on avait aussi effectivement les narcotiques. Alors là, pour le coup, effectivement, le pavot opium ou le datura. Mais là, effectivement, il y avait aussi des recommandations de prudence parce qu'on savait déjà que à haute dose, c'était mortel et qu'on pouvait pas. Dosis facit venenum, c'est la dose qui fait le poison. C'est les narcotiques, justement, les opioïdes, ça apparaît à partir de quelle époque à peu près? Oh là, c'est un piège. C'est un piège. Mais je crois qu'on l'utilisait depuis très longtemps, enfin depuis l'Antiquité déjà, mais voilà. Et donc du coup, ça c'est donc il y a les anodins d'une part, les narcotiques. Voilà. Et puis il y avait effectivement après il y a eu toutes les enfin c'est-à-dire la prise en compte de la douleur dans la chirurgie et notamment avec Ambroise Paré par exemple à qui on doit d'avoir fait les premières amputations en ligaturant les vaisseaux sanguins et non en cautérisant au fer rouge les plaies pour supprimer l'hémorragie. C'est ça. C'est ce qu'on peut considérer comme étant une mauvaise prise en charge de la douleur. La cautérisation au fer rouge, ça fait mal. Oui. Mais bon, je ne suis pas sûre que sans anesthésie, les ligatures étaient si douces que ça. Ah, mais il y avait un peu plus de chances de survie parce qu'en plus, la cautérisation, ça ne marche pas bien du tout et ça fait encore plus de morts. Mmh. Et de toute façon, je rappelle qu'il n'y avait pas d'antibiotiques jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc ça posait quand même de toute façon des problèmes. Mmh. Et puis, il y a l'apport de Descartes aussi qui va permettre justement, en tout cas, de comprendre un peu mieux les circuits de la douleur. Voilà, et notamment, il s'était attaché à essayer de comprendre ce que c'était la douleur du membre fantôme. Vous savez, le fait que on ressente toujours de la douleur à un membre qui a été coupé. Donc voilà, et d'ailleurs, vous savez, Descartes est connu effectivement pour avoir bien fait la distinction entre l'esprit et le corps, ce qui est vrai. Évidemment, mais il l'a pas toujours vu comme un truc totalement antagoniste. Et il disait bien que l'esprit était confondu, mêlé au corps, et que c'était la douleur qui le montrait. En fait, on s'est servi de la douleur pour comprendre aussi quels étaient tous les circuits cognitifs. Et puis, les médecins se sont aussi posé la question de repérer la douleur chez les patients qui ne pouvaient pas l'exprimer clairement. Oui. Alors, ils ont fait une petite étude avec des chercheurs d'aujourd'hui, des neurologues d'aujourd'hui, voilà. Et leur ont demandé de regarder justement ces textes pour voir que, non pas juste pour dire, ah, vous voyez, ils ne savaient pas à l'époque, ça c'est facile à dire, oui, bien sûr. Voilà, c'est anachronique comme critique. Mais de voir justement quels étaient aussi les invariants dans l'approche et dans le traitement de la douleur. Et un des invariants, par exemple, c'est l'approche du vocabulaire. Comment est-ce qu'on peut analyser la douleur du patient? C'est effectivement très difficile et ça reste très difficile aujourd'hui. Donc voilà, c'est quoi une douleur cuisante ou poignante ou irradiante ou aiguë. Enfin bon, tous les termes qu'on peut accrocher à ça. Et donc ça, c'était déjà présent, vous voyez, dans ces textes-là de l'époque moderne. C'est quand même intéressant à voir parce que on a toujours la même problématique aujourd'hui. Sans compter qu'effectivement, il y a des patients qui ne s'expriment pas du tout. Soit parce qu'ils sont trop jeunes pour pouvoir parler comme les enfants. Et d'ailleurs, je rappelle au passage qu'on a opéré les enfants en France sans anesthésie jusque dans les années 1970. Non pas, je le répète, parce que les médecins étaient d'horribles sadiques, mais parce que l'on pensait que le système nerveux n'était pas forcément suffisamment mature pour ressentir la douleur et que de toute façon ils s'en souviendraient pas. Et comme l'anesthésie, il y a des dangers aussi à l'anesthésie, donc voilà, c'était mieux de faire comme ça. Mmh. Donc voilà. Ou aussi, parfois, certaines personnes sont justement tellement accablées par la douleur qu'elles sont même plus capables de s'exprimer, ou en tout cas de la verbaliser. Et du coup, c'est intéressant. Sous le fait d'essayer de s'accrocher à d'autres signes, et notamment les expressions faciales. Voilà. C'est le médecin de chambre de Louis XV qui a fait des travaux là-dessus. Oui. Voilà, et qui a déjà remarqué que sur la douleur, voilà, on avait la plupart du temps un visage renfrogné, des sourcils froncés, une espèce de rétractation générale face à la douleur. Voilà. Après, justement, encore aujourd'hui, c'est un sujet de discussion entre les médecins pour savoir s'il y a une micro-expression faciale vraiment typique, voilà, qui pourrait permettre au personnel soignant de reconnaître la douleur. Et bah, c'est un sujet de discussion parce qu'on n'en est pas si sûr. Peut-être qu'à force de vouloir reconnaître cette expression-là, on peut passer à côté d'autres formes de souffrance, d'expression de souffrance chez les malades. Et aujourd'hui, en général, on l'évalue sur une échelle de 1 à 10. 10 étant normalement douleurs de l'accouchement. Voilà. Oui, parce que déjà depuis longtemps, on se pose la question aussi de la fonction de la douleur. Les médecins ont très vite compris que la douleur avait une fonction d'alerte. Ça vous brûle, ça vous pique, ça vous brûle parce que vous avez mis la main sur le feu, il faut retirer la main. Donc voilà. Mais c'est toujours beaucoup plus difficile d'expliquer les douleurs chroniques, dû à la goutte, la migraine par exemple, et puis les douleurs de l'accouchement et de l'agonie. et avec des gens qui ont des seuils de résistance à la douleur qui sont très très différents, et des gens qui peuvent être très très réactifs pour des toutes petites douleurs, et des gens qui vivent en permanence avec le fardeau de la douleur sans jamais l'exprimer. Oui, c'est très subjectif, mais parce que la douleur c'est quelque chose de très concret, voilà, mais en même temps ce qui est très difficile à communiquer. Tania, un mot sur ces réactions et cette histoire de la prise en charge de la douleur? Mais c'est intéressant parce que effectivement, il ne faut pas voir la médecine ancestrale comme une médecine primitive, je pense. Et les civilisations non occidentales ont énormément à apporter. Je pense que la civilisation chinoise sur la prise en charge de la douleur, il doit y avoir énormément de choses intéressantes aussi. Absolument, moi, qu'on regarde toujours aujourd'hui. Là, il se trouve que leur article était basé sur leur recherche qui s'était intéressée à ce corpus-là de textes médicaux qui sont occidentaux. Voilà. Mais oui, bien sûr, il y a des choses à apprendre en médecine amazonienne aussi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, c'est le troisième et dernier dossier de ce tour de table consacré à l'actualité scientifique et de la recherche. Il est des berceaux qu'il faut savoir briser. Celui de l'humanité en fait partie longtemps. La paléoanthropologie a situé ce berceau, celui d'Homo sapiens en Afrique de l'Est. Le modèle ROA, modèle de l'origine africaine récente, s'est imposé à partir des années 80 comme le modèle de développement de notre espèce. Mais ce modèle, Sylvain, a été remis en cause pour étendre ce berceau de l'humanité à l'ensemble du continent africain. Oui, c'est ça. Et dans le dossier qu'on consacre dans ce mois-ci dans la recherche à justement Homo sapiens, la question de nos origines, en fait, on revient sur cette idée. C'est ça, quand la paléontologie, la paléoanthropologie en particulier, c'est un domaine voilà très très foisonnant où on a parfois l'impression en regardant de loin que chaque nouvelle découverte, que ce soit de fossiles ou de génomes anciens, rebat les cartes des scénarios. Bon, alors en fait, il y a quand même une certaine continuité et les paléoanthropologues ne sont pas là à tout redécouvrir à chaque fois. Et justement, notamment dans un article écrit par les généticiens et archéologues Lunesh Chiki et Francesco De Rico, qui travaillent respectivement à l'université de Toulouse et de Bordeaux, ils essayent de regrouper les derniers éléments, les dernières découvertes qui ont été faites dans ces différents domaines, donc que ce soit du point de vue fossile, du point de vue génétique, et aussi d'un point de vue des artefacts culturels, des objets culturels, des gravures par exemple. Voilà, essayer d'ébaucher un scénario, alors qui se base sur des hypothèses, bien sûr, qui n'a rien de définitif, mais qui serait que finalement Homo sapiens ne viendrait pas forcément d'un point unique qui serait le point originel à partir duquel l'espèce serait partie à la conquête du monde, mais que ce serait plus complexe encore une fois, et que ce serait finalement à l'échelle du continent entier de l'Afrique que des petits groupes de populations isolées auraient pu coévoluer finalement et ensemble avec des échanges qui auraient pu se dérouler puis s'interrompre parfois à cause de changements climatiques ou de barrières écologiques qui se dressent, etc. Et donc finalement voilà un espèce de bouillon de culture à l'échelle d'un continent entier. Et c'est vrai que peut-être que ça vaut la peine de rappeler que l'histoire qu'on raconte, finalement, on peut la dater environ à la séparation de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés, qu'on date à peu près à 7 millions d'années. Donc la date de divergence entre le groupe qu'on appelle la lignée des chimpanzés, mais qui a bien sûr, qui ont de son côté beaucoup évolué de leur côté pour jusqu'aux chimpanzés actuels. Oui. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle donc les hominines, c'est-à-dire le groupe des ancêtres de l'homme, mais aussi des proches cousins, parce que plus qu'une lignée directe qui viendrait en ligne droite de ces 7 millions d'années jusqu'à nous, notre espèce qui peuplons la Terre aujourd'hui, on sait, mais bon, ça vaut toujours la peine de rappeler que l'évolution de ce groupe, ce n'est pas une course de relais où des espèces se transmettent chronologiquement, un espèce de relais de l'évolution comme ça, de manière continue, Australopithèque, Homo erectus, etc. mais que c'est quelque chose de puissonnant. Voilà, c'est ça, qu'on n'est plus du tout dans une conception linéaire de l'évolution avec un point de départ et des passages, des étapes jusqu'à aujourd'hui, mais on se rend compte que c'est parti dans plusieurs sens, qu'il y a des voix qui sont parties, qu'il y a eu des échanges surtout, oui. Vous allez revenir dessus, qu'il y a eu des échanges génétiques, des échanges de la co-reproductibilité entre diverses espèces, certaines ont disparu, mais tout ça c'est beaucoup plus mélangé et ça c'est tout sauf la marche du progrès, quoi. Oui. Et c'est vrai que du coup dans tout ça, c'est vrai que la notion de berceau de l'humanité revient toujours. C'est des notions un peu comme ça. Dès qu'on parle des origines, quel que soit le domaine d'ailleurs, même, on parle souvent d'origine, de point zéro ou d'instant zéro pour ce qui est de physique. Mais là, de berceau de l'humanité, l'idée qu'il y aurait un point originel. Effectivement, vous évoquiez dans votre introduction, Nicolas, les scénarios possibles justement pour expliquer le berceau. Pour évoquer aussi dans l'article, là, Lunashiki et Francesco Derrico évoquent aussi un scénario qui a été très en vogue jusque dans les années 90, qui était celui du multirégionalisme, puisqu'on retrouve des fossiles d'hommes, entre guillemets, archaïques, pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie, puisqu'on sait qu'une des espèces qui a été la première à être, entre guillemets, transcontinentale, c'est Homo erectus, qui aurait trouve des voilà, fossiles en Asie, oui. qui aurait quitté l'Afrique il y a plus d'un million d'années. Et une des hypothèses de ce scénario aurait été que finalement les hommes auraient évolué de façon régionale sur chacun de ces continents. D'un autre côté, en schématisant, on peut dire que l'homme de Pékin, qui était un Homo erectus qui a été retrouvé dans les années 1920 en Afrique, aurait été l'ancêtre des populations aujourd'hui qui peuplent l'Asie, etc. Voilà, on sait que ce modèle a pris beaucoup du plomb dans l'aile, justement avec ce que j'évoquais, les découvertes génétiques de ces 20 dernières années, notamment des études de diversité des génomes, ne serait-ce que des populations actuelles, en fait, en comparant notamment les génomes des êtres humains qui peuplent aujourd'hui tous les continents. On constate que les populations qui vivent aujourd'hui en Afrique ont une diversité génétique plus élevée que des populations qui vivent par exemple en Europe, et qu'en quelque sorte les populations non africaines, leur diversité génétique est comme une sous-catégorie de la diversité génétique des populations africaines. Et donc ça a été un des grands arguments pour recentrer l'Afrique comme berceau de l'humanité. Après, effectivement, du coup, a émergé le scénario que vous évoquiez, celui de l'origine africaine récente, que ce soit par exemple en Afrique de l'Est, parce que bien sûr, c'est là que les fossiles les plus emblématiques ont été découverts dès le début. On pense d'emblée notamment à Lucie, qui était australopithèque et pas Homo sapiens, mais c'est l'idée que dans cette région, s'est passé quelque chose, peut-être avec des... peut-être à cause d'un climat particulier, etc., qui aurait permis une évolution, et j'ai envie de dire une révolution un peu soudaine comme ça, ou une mutation. Hein, c'est en schématisant un processus darwinien, on a une population isolée, puis des mutations génétiques aléatoires qui, tout à coup, certaines peuvent se révéler avantageuses, et suite à une sélection de caractères, sélectionnent des caractères d'innovation technologique ou de culture symbolique qui ensuite accélère la différenciation avec les autres populations et fait qu'une population peut se distinguer. Mais ce modèle a fait long feu, hein, puisque il a été remis en question justement dès la fin des années 90. Tout à fait. Et il a fait long feu, même si en fait il continue plus ou moins à réapparaître de temps en temps, de temps à autre. J'ai en mémoire une publication de la fin de l'année dernière, je ne sais plus si c'était en octobre ou novembre, dans Nature, où c'est justement une équipe qui montrait à partir d'analyses génétiques, mais bon, limitées, qui c'était l'ADN mitochondrial, donc vraiment, donc qui se transmet par les lignées maternelles de l'ève primordiale, donc vraiment quelque chose d'assez fragmentaire, mais qui disait en cette publication disait en substance, donc ça concernait des génomes retrouvés il y a je crois 70 000 ans ou 60 000 ans près d'un ancien lac, bon, qui est aujourd'hui devenu un désert, mais en Afrique du Sud, et qui disait qui en gros disait on a retrouvé le berceau de l'humanité génétique, machin. Sauf que le problème de cette étude, c'est qu'elle est très fragmentaire, qu'elle ne tient pas compte des découvertes fossiles récentes, de fossiles bien plus anciens que 70 000 ans. notamment. Et notamment le fossile de Jebel Irhoud. Jebel Irhoud, mis au jour par Jean-Jacques Hublin. Absolument, notamment le paléoanthropologue de Jean-Jacques Hublin. Et l'intérêt de cette au Maroc, il faut préciser. Voilà, c'est surprenant parce que c'était un fossile très ancien d'Homo sapiens au Maroc, un endroit où on ne pensait pas qu'Homo sapiens était déjà arrivé. Et là, ça a effectivement remis ce modèle que vous décrivez aujourd'hui, Sylvain, c'est-à-dire de la multi, du buissonnage et du berceau général de l'Afrique, quoi. Parce que non seulement on ne parlait plus d'endroits spécifiques qui étaient avant soit l'Afrique de l'Est, soit l'Afrique du Sud, qui étaient vraiment deux grandes régions où on avait trouvé beaucoup de fossiles, mais là, du coup, en Afrique du Nord, effectivement, un fossile très ancien, donc 300 000 ans, est attribué à Homo sapiens, mais ce qui était, alors qu'avant, les plus vieux fossiles attribués à Homo sapiens, c'était 100 000 ans, et un peu plus, peut-être, mais là, du coup, ça a reculé d'au moins 100 000 ans, la date de Homo sapiens. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce fossile et d'autres, mais celui-là en particulier, c'est que finalement, il n'y a pas une rupture nette entre avant Homo sapiens, un avant Homo sapiens qui serait, entre guillemets, archaïque, et un après Homo sapiens qui serait moderne. Mais en fait, ce qu'on identifie à partir de 300 000 ans à peu près, c'est finalement l'émergence de caractères qui sont considérés comme modernes, toujours associés à des caractères considérés comme archaïques. Alors vous faites les petits lapins avec les doigts. Pour les auditeurs, je précise que je fais des petits R guillemets, et je les renvoie à un autre article de nos dossiers de la recherche écrit par mon collègue Vincent Bordenave sur justement ces querelles entre paléanthropologues sur la querelle des anciens et des modernes. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on dit on a découvert un fossile d'Homo sapiens, on se dit ah, mais Homo sapiens, c'est donc l'homme moderne. C'est donc nous. Et en fait, ces fossiles d'Homo sapiens ont des traits distincts, des traits effectivement archaïques et des traits modernes, et certains empruntent à d'autres, ce qui montre et ce qui explique un peu justement cet échange, cette recomposition, cette transmission de différents traits entre ces diverses populations d'Homo sapiens. Il faut quand même mentionner que c'est l'idée qu'il y aurait comme ça différentes populations qui auraient pu échanger génétiquement à certains moments, et comme ça créer l'espèce qu'on appelle aujourd'hui Homo sapiens en s'homogénéisant petit à petit. Voilà, ça reste une hypothèse. Et comme le disent les auteurs Luna Chiqui et Francesco De Rico dans la recherche, il faut être prudent, et c'est encore des scénarios qui demandent à être améliorés, puisqu'il faut à la fois mélanger des données génétiques, archéologiques, paléoanthropologiques, j'oublie quelques hic encore, ça se base aussi sur les données. Je parlais d'innovation culturelle, ces artefacts culturels. En fait, on remarque en Afrique que les innovations culturelles souvent on attribue à Homo sapiens et à lui seul l'idée d'avoir une grande culture symbolique, mais en fait, justement, cette culture symbolique, on retrouve des artefacts en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, et plus intéressant encore, on remarque que les périodes où on retrouve ces artefacts, elles sont un peu discontinues. On retrouve certaines représentations abstraites il y a par exemple 100 000 ans, puis quelques dizaines de milliers d'années, on n'a plus rien. Puis on les retrouve à nouveau, mais sous une forme un peu différente. Et voilà, ça pourrait appuyer ce scénario selon lequel il y a eu comme ça différentes périodes d'arrêt et de reprise des échanges entre les groupes. Cécile. En un mot, je vais essayer. À la fin du siècle dernier, voilà, les premiers apports de la génétique à l'étude de nos origines semblaient quand même montrer très fort qu'il y avait eu une espèce de goulot d'étranglement en regardant la diversité génétique des hommes d'aujourd'hui. Un goulot d'étranglement il y a à peu près 200 000 ans, ce qui appuyait l'idée d'une origine unique, probablement quelque part en Afrique de l'Est. Et en fait, cet étranglement existe probablement, mais si je comprends bien ce que propose Derrico, il pourrait être interprété autrement, et plutôt si on parle en fonctionnant en réseau, par un manque de connectivité, des bugs de connectivité du réseau. C'est ça. Oui. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous raconter, nous donner les dernières nouvelles de la science et de la recherche. À la une pour la science, Cécile. Eh bien, jusqu'à mardi prochain, le problème des trois corps rebondit, un papier de mathématiques, et à partir de mercredi, quelle réalité cache la mécanique quantique ? Sylvain, la une donc de la recherche. Eh bien, le dossier sur Homo sapiens. Et Tania, dans Biologie tout compris, la prochaine vidéo ? Alors, la prochaine vidéo sera sur la chaîne Bille de science, de la main à la patte, sur les pigments. Et ben on va mettre tout ça sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Laurence Malonda à la technique toute cette semaine, à la réalisation, pardon, toute cette semaine, et à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. La semaine prochaine, dans le laboratoire de La Méthode Scientifique, lundi, nous vous parlerons, eh bien, encore de coronavirus, certainement, puisqu'il sera question des chauves-souris et de leur incroyable résistance et du réservoir qu'elles constituent pour les pathogènes. Mardi, nous parlerons de la fin de l'univers. Mercredi, il sera question de l'hydrogène métallique, hein, une belle réussite empirique française. Jeudi, nous recevrons Fabienne Cazoli, qui est la nouvelle directrice de l'Observatoire de Paris. Et vendredi, science-fiction, nous aurons la chance et le plaisir de diffuser l'entretien que j'ai pu enregistrer avec le réalisateur Marc Caro au dernier festival du film fantastique de Gérard May. Demain, à 16h, vous retrouverez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.